Chapitre 5e. Ce suicide, c'est de l'être, le verre à tous les scrupules de l'instruction. Pourquoi cet homme, qui assurait avoir pleine confiance en sa femme, dénonçait-il non seulement la justice, mais l'accusation? Car jusqu'alors, on s'était borné à de simples soupçons, même pas avoué tout. Et c'était à la suite de ces soupçons que lui, innocent de tout, se sacrifiait, sacrifiait sa femme, sacrifiait un enfant de 8 ans. De plus, des doutes s'élevèrent sur la sincérité du suicide de Madame du Sablon. Cette précaution prise de prévenir 2 amis rendait suspecte l'intention qui avait présidé à ces préparatifs suprêmes et donnait lieu de croire à une audacieuse et sacrilège comédie. Un mandat d'amené fut lancé contre Gotland que, par respect pour sa robe, Monsieur le procureur de la République amena lui-même à la prison dans sa voiture. Quant à Madame du Sablon, malade encore des suites de sa tentative de suicide, elle fut autorisée à rester chez elle jusqu'à son rétablissement et au jour désigné par elle, ce furent non des gendarmes, mais des huissiers qui allèrent la chercher pour la conduire à Angoulême. Dans ses divers interrogatoires, Madame du Sablon commença par nier avoir donné des soins à Fanny. On lui opposa le témoignage de l'instituteur Savigna. Elle nia avoir connu l'existence du flacon bleu, mais le métayer Jarton témoigna du contraire. Enfin, un pot à eau fourni par elle pour faire boire la malade avait disparu. Elle disait l'avoir repris chez elle. Sa propre servante, Jeanne Berg, déclara l'avoir brisé sur l'ordre de sa maîtresse. Ainsi, Madame du Sablon mentait en tout. Et ce n'était pas des ennemis qui la contredisaient, c'était Savigna, le commensal du curé, Jarton, son métayer, Jeanne, sa servante. Cette Jeanne Berg, qui avait assisté Madame du Sablon dans les soins donnés à Fanny, avait, dans le principe, fait une déposition très importante. Par elle, on avait appris qu'à plusieurs reprises, la femme du médecin avait apporté à la cure diverses tisanes, de la soupe, de l'eau panée qu'on avait fait prendre à Fanny. Elle avait même déclaré que le 18 septembre, jour où les vomissements avaient été à leur paroxysme, Madame du Sablon avait préparé et salé elle-même une soupe blanchie qui, selon elle, devait faire beaucoup de bien à la malade. Jusqu'au 4 mars, elle persista dans ses assertions, mais à partir de ce jour, son langage changea. Elle chercha à démentir ses précédentes dépositions et parla pour la première fois d'une poudre blanche que Fanny aurait eue dans une tasse cachée à tous les regards et qu'elle lui aurait montrée comme le seul remède à ses maux, lui défendant d'en parler à personne. Cette assertion coïncidait singulièrement avec les bruits que répandait aux alentours le curé Marton et avec la nouvelle attitude de Gotland qui, après avoir attribué successivement la mort de sa servante à la boisson et à une chute, déclarait maintenant qu'il avait toujours cru à un suicide. Entrée dans cette nouvelle phase, Jeanne Berg y persista. Elle dit au juge d'instruction qu'elle avait vu un jour Fanny sortir en cachette de chez Monsieur du Sablon et voulut insinuer que, peut-être à ce moment-là, la servante du curé avait dérobé les 20 grammes d'arsenic qui manquaient au flacon bleu. Gotland, interrogé au sujet de la poudre blanche dont parlait Jeanne Berg, déclara en effet l'avoir parfaitement vue et cita une voisine, la femme Toigny, comme la lui ont même fait remarquer. La femme Toigny, appelée, donna un entier démenti à Gotland, et quant au fait d'avoir vu sortir Fanny de chez Monsieur du Sablon, il fut matériellement prouvé que Jeanne Berg avait menti. Jeanne Berg fut arrêtée comme faux témoin. Ici se place un nouvel incident de ce singulier procès. Quelques jours après l'arrestation du curé Gotland, Monsieur le maire de Saint-Germain reçut une lettre portant le timbre de Marcigny-les-Nonains en Saône-et-Loire, et signé Femme Martou, dans laquelle on s'informait avec une inquiétude visible de ce qui pouvait être arrivé au curé de Saint-Germain. Le maire répondit à cette lettre, mais craignant de compromettre les résultats de l'instruction, il se contenta de dire que le curé était en ce moment dans une position fâcheuse et ne parlant en aucune façon de son arrestation. Quelques jours après, une lettre arrivée à Saint-Germain était transmise à Gotland, à la prison d'Angoulême. Cette fois, la lettre, quoique de la même écriture, était signée Veuve Allier. L'ancienne amie du curé s'y inquiétait de ses embarras qu'elle ignorait et qu'elle reprochait à son amie de ne pas lui avoir confié. « Si vous saviez combien je suis tourmenté de la peine dans laquelle tu te trouves, » disait la lettre, qui continue ainsi avec un singulier mélange de formules respectueuses et d'expressions intimes, de termes de dévotion et de mots amoureux, parlant de messe et de prière entre 2 baisers. Cette lettre étrange parut justement suspecte à Monsieur le juge d'instruction, qui voyant en outre d'après certaines phrases que Madame Ali attribue à la servante du curé, les embarras encore inconnus d'elle où son cher fils se trouvait plongé, n'hésita pas à adresser au parquet de Charolles une commission rogatoire pour faire une descente de justice chez Madame Allier. Malheureusement, Madame Allier était protégée par une puissance avec laquelle il y avait à compter. Une réputation de sainteté bien établie, des habitudes de dévotion extérieure bien connues, de nombreux services rendus par elle à tout le jeune clergé du diocèse, la plaçait en haute estime à l'évêché d'Autun. Touchait la petite maman des jeunes vicaires, Monsieur le juge de paix de Marcigny ne l'osa point et se contenta, malgré les termes de la commission rogatoire, de prier Madame Allier de passer chez lui pour dire ce qu'elle savait au sujet de l'abbé Gotland. Naturellement, Madame Allier prit ses précautions et ne livra à la justice que ce qu'elle voulut bien. 4 lettres seulement de Gotland furent transmises à Monsieur le juge d'instruction d'Angoulême par le parquet de Charolles. La première de ces lettres, datée du 13 septembre 1849, a trait à un voyage que Gotland allait faire à Marcigny. Le curé de Saint-Germain y annonce son arrivée dans la nuit et prie Madame Allier de l'attendre. Il parle ensuite de sa servante, Fanny de Guisal, qu'il dépeint comme lourde, maladroite, peu propre au service. Cette lettre, destinée à être lue par la belle-mère de Madame Allier, est conçue dans des formes très convenables. La seconde est plus familière. « Ma bien chère mère, je te dirai que je ne suis arrivée chez moi que le samedi soir. » Dans le trajet de Marcigny à Roanne, il m'est survenu un mal de ventre qui m'a obligé d'ouvrir ma soutane et mon pantalon. Plus loin, il est question de Madame du Sablon, qui sans doute inspirait de la jalousie à sa rivale. Elle a voulu savoir où j'avais passé mes vacances, mais elle ne le saura pas. Elle a reçu une réponse telle qu'elle ne sera pas tentée d'y revenir. Et dans la troisième lettre, datée du 11 décembre, « Tu me dis que tu t'es laissé aller à cette présomption que Madame du Sablon l'emportait sur toi dans mon affection. » Si j'avais été à côté de toi, franchement, je t'aurais battu. Si tu étais témoin de la lutte que je soutiens contre elle, pour ainsi dire, chaque jour. Aujourd'hui, j'ai visité comme je fais de temps en temps mes buffets, pour voir si, des choses qu'ils contiendraient, il ne s'en trouve pas qui viennent d'une main étrangère. J'ai aperçu des noix, j'ai demandé à ma femme de ménage d'où promenait ce cadeau. Elle m'a dit que c'était Madame du Sablon qui me l'avait envoyé. Sur le champ, je l'ai fait rendre. Son petit, que j'ai pour élève, m'a dit qu'elle avait beaucoup pleuré. » Suivent des détails sur le désaccord existant entre le curé de Charolles et ses vicaires, et des menaces qui témoignent de la plus profonde haine de Gotland contre ce curé. La lettre se termine en ces termes. « Tu pourras aller à la messe de minuit, mais tu auras soin de bien t'habiller chaudement et de prendre une bonne chaussure. Nous voici bientôt au premier de l'an. Tu connais mes intentions sur tes visites. Je veux que tu n'embrasses pas un homme, autrement tu te trouveras contre mes volontés. Adieu. Pense à moi qui te conserve dans ma pensée comme dans mon cœur. » Dans une autre lettre adressée à une femme au service de Madame Allier, Gotland cessait toute contrainte. « Ma pauvre Marie, on dirait que votre cœur suit les saisons. Il est chaud en été, froid en hiver. Vous ne vous occupez pas plus de l'abbé Gotland que s'il n'avait jamais été attaché à votre cotillon. Ma vieille Marie, je n'ai pas beaucoup de qualité morale, mais j'apprécie un bienfait à sa juste valeur. Tout le monde m'abandonne, je suis découragé. Si cela continue, je fiche la clé sous la porte. » Voilà la moralité de l'homme en face duquel se trouvait l'instruction.